Il allait dîner, moyennant 43 sols le cachet, dans un restaurant, rue de l'Art. Il regardait avec dédain le vieux comptoir d'acajou, les serviettes tachées, l'argenterie crasseuse et les chapeaux suspendus contre la muraille. Ceux qui l'entouraient étaient des étudiants comme lui. Ils causaient de leurs professeurs, de leurs maîtresses. Il s'inquiétait bien des professeurs. Est-ce qu'il avait une maîtresse? Pour éviter leur joie, il arrivait le plus tard possible. Des restes de nourriture couvraient toutes les tables. Les deux garçons, fatigués, dormaient dans des coins, et une odeur de cuisine, de quinquet et de tabac emplissait la salle déserte. Puis il remontait lentement les rues. Les réverbères se balançaient, en faisant trembler sur la boue de longs reflets jaunâtres. Des ombres glissaient au bord des trottoirs, avec des parapluies. Le pavé était gras, la brume tombait, et il lui semblait que les ténèbres humides, l'enveloppant, descendaient indéfiniment dans son cœur. Un remords le prit. Il retourna au cours. Mais, comme il ne connaissait rien en matière élucidée, des choses très simples l'embarrassèrent. Il se mit à écrire un roman intitulé « Silvio, le fils du pêcheur ». La chose se passait à Venise. Le héros, c'était lui-même. L'héroïne, Madame Arnoux. Elle s'appelait Antonia. Et, pour l'avoir, il assassinait plusieurs gentilshommes, brûlait une partie de la ville et chantait sous son balcon où palpitaient, à la brise, les rideaux en damas rouges du boulevard Montmartre. Les réminiscences trop nombreuses dont il s'aperçut le découragèrent. Il n'alla pas plus loin et son désœuvrement redoubla.